بسم الله الرحمن الرحيم. Au nom d'Allah, le Clément, le Miséricordieux. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. Dis, j'implore la protection du Seigneur de l'aube contre le mal émanant de ses créatures, contre les ténèbres de la nuit quand elles voilent tout, contre les sorcières qui soufflent dans les nœuds, et contre la malveillance de l'envieux quand il exerce son maléfice.